Est-ce que vous m'entendez comme ceci? Ok, je demande votre attention. Avant d'entrer dans le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire la science des peuples, qui est donc la suite de la personnalité des nations, je voudrais faire une mise au point suite aux supposées allusions que j'aurais pu faire et qui auraient blessé quelques personnes susceptibles dans leur mémoire raciale, nationale et religieuse. Premièrement, j'ai dit que le régime français était une république. C'est vrai, mais je n'ai jamais dit que la France était une république. Bon, il y en a qui l'ont pris comme ça, alors loin de moi ces pensées, ces arrière-pensées. Deuxièmement, lorsque... Bon, ça c'est pour la communauté française de Montréal. Deuxièmement, lorsque j'ai dit que les habitants du petit village de Méchin, en Gaspésie, étaient des Méchinois, c'est vrai, c'est un fait. Il n'y avait pas là d'allusion raciale ou séparatiste ou quoi que ce soit, ça c'est donc pour les Gaspésiens. Troisièmement, quand j'ai dit que les voies du Seigneur étaient impénétrables, il n'y avait pas là d'allusion face au clergé ou aux maladies au MTS. Je ne faisais que répéter ce que j'avais appris dans le petit catéchisme, c'est tout. Alors ça c'est donc pour petite mise au point pour le Vatican. Et quatrièmement, je n'ai jamais dit que Léonard de Vinci était un homme frustré. J'ai jamais dit ça. Vous vous souvenez de cette conférence-là sur l'inhibition de l'action? Il était question des homards, les homards de Vinci, du restaurant de Vinci. Alors je m'en excuse auprès de la communauté italienne de Saint-Léonard. Il n'y avait pas d'intention là. Comme il est vrai de prétendre que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, il est faux de dire que c'est en sciant que Léonard de Vinci. Parce que ça pue de faim. Ça, c'est pour mon ami André Ruffian, dans sa chronique journalière. Sans quoi, on pourrait dire aussi que c'est en buvant que Léonard de Vinci boire. N'importe quoi. Par contre, il est tout à fait exact d'affirmer que les habitants du département français de la Haute-Marne sont des homards nés. Ben, c'est vrai. Voilà donc pour ce qui est de rétablir la vérité, si toutefois j'avais à me justifier. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser l'effet se faire. J'ai bien dit l'effet se faire. Laisser l'effet se faire. Interprétez pas trop vite. Vous voyez comment ça commence des malentendus. Alors tout ça, à travers tout ceci, n'oubliez pas une chose, c'est qu'un homme, une femme, un peuple qui a de l'humour, c'est un homme, une femme ou un peuple qui est adulte. Donc, plus il y a de mémoire raciale, nationale, religieuse, culturelle, moins il y a d'humour, moins il y a d'état adulte atteint par une communauté, un peuple ou une nation. Alors on accueille maintenant pour cette suite de la personnalité des nations, on accueille comme il se doit Monsieur Bernard de Montréal. Voilà branché. Voilà. Alors Bernard, on annonce aujourd'hui la science des peuples, donc la continuité de ce qu'on avait commencé sur la personnalité des nations. On avait eu malheureusement pas le temps de faire tout le tour des nations en question. Puis il semble que le public avait beaucoup aimé cette conférence-là et qui a demandé une suite. Alors, on va revenir donc sur cette partie d'échec que joue le plan astral avec les humains, qu'il manipule au niveau de la mémoire ou de la conscience raciale et nationale. Et je vous rappelle qu'on avait vu, lors de notre précédente rencontre,